Thank you. C'est un homme sauvé par la glace. Il voulait se suicider, il a sauté d'un pont à Belouse, s'est écrasé sur la glace et n'est que légèrement blessé.